tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h si vous avez raté la fin. Cette semaine, on rediffuse « Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent ?» une série documentaire de Juliette Boutillier, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'impact et les ricochets de l'affaire Weinstein, et désormais, le premier anniversaire du hashtag MeToo et de son cousin « Balance ton porc ». Il y a aussi les zones désespérément grises du consentement, une pétition sur le droit d'importuner les femmes dans le métro, rédigée par celles qui ne le prennent pas, et puis ce constat qu'à nous, en tous les cas, il n'est jamais rien arrivé, et soudain ces dizaines d'histoires qui nous reviennent. Alors il y a les conversations que l'on a avec les garçons, et cette question qui reste, comment se fabriquent les hommes? Parce que l'on ne naît pas homme non plus, on le devient, et c'est une longue histoire. Alors pour commencer, les personnages. Une philosophe qui pointe l'oppression, une chère anthropologue disparue, un historien de la virilité, une sémiologue qui fait de l'étymologie, Aristote et Virginia Woolf, des chevaliers émus, des courtisans efféminés, des bourgeois chefs de famille, des poilus terrifiés, des pères différents et un président orange. Ensuite le décor, le patriarcat, des luttes de pouvoir, des grains d'orge, le stoïcisme, des constructions devenues naturelles, la littérature courtoise, la conquête de la dentelle, de la poudre et des parfums, des corps au travail, l'armée napoléonienne, des corps fascistes et la parentalité. Aujourd'hui, deuxième épisode, on écoute une chanson. Un garçon, il est grand. Pas peur du soir. Des pieds à la tête. En fait, j'étais partie d'une réflexion sur le féminin. Je me demandais pourquoi, à l'heure où le féminisme avait gagné la bataille idéologique, en tout cas dans les pays occidentaux, comment on pouvait expliquer la perpétuation des discriminations, des violences envers les femmes. Et en tirant des fils, j'ai compris que la question ne venait plus seulement de la perpétuation des stéréotypes sexués féminins, parce que ça justement, ça fait plus d'un siècle que les femmes les ont questionnées ou remis en cause, que de la perpétuation des stéréotypes sexués masculins qui, eux, sont encore largement impensés. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la question de la virilité. J'ai commencé à découvrir un sujet carrément tabou. Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent ? Construction et déconstruction de la virilité. Vincent Deck, Juliette Boutillier. Qu'une dominée remette en question sa domination, c'est assez normal, mais que le dominant lui-même réfléchisse à ça, et surtout l'idée de dire aux hommes qui sont dominés par leur domination et que peut-être que ce mythe viriliste les opprime eux aussi, ça c'est effectivement très tabou. Parce que la hiérarchisation des sexes, avec cette idée de supériorité du masculin sur le féminin, que cette idée ait opprimé la femme, c'est une évidence. Mais que ce système soit aussi un système d'oppression de l'homme par l'homme, ça c'est un sujet tabou. La virilité reste un sujet tabou, comme l'affirme Olivia Gazalet. Les stéréotypes masculins restent ancrés dans l'inconscient. Je le remarque quotidiennement. Par exemple, le jour de mon mariage, pourquoi ma belle-sœur m'a-t-elle empêchée de faire un discours de remerciement aux amis présents, arguant que c'était à l'homme de le faire ? Pourquoi est-il arrivé au père de mon enfant, plus souvent qu'à moi, d'oublier certains aliments de la liste de courses ? Parce qu'inconsciemment, sans l'avouer, il m'assimile peut-être à l'espace de la cuisine. Pourtant, cet homme est féministe. Mais il a aussi subi des siècles de patriarcat, de domination, qui l'ont imprégné et mettront du temps à s'évaporer de son esprit. Alors il est temps peut-être d'essayer de lutter tous les jours contre cette prégnance, ce non-dit, ce tabou, en ayant en mémoire que les injonctions virilistes ne sont que des constructions séculaires et qu'elles nous forcent à croire à quelque chose de naturel là où ça n'est qu'une fabrication. Il y a mille et une manières d'être une femme, d'être un homme aujourd'hui. En témoigne la virilisation du monde qui n'a cessé de se transformer au cours de l'histoire en déclinant une pluralité de modèles. Quand on traverse le temps, on voit bien que la virilité, c'est-à-dire cette façon au fond, de dominer et d'imposer une puissance à quelqu'un d'autre, cette virilité, elle traverse en Occident les siècles. Mais elle est plurielle, c'est pas exactement la même selon les périodes. Alors il faut d'ailleurs distinguer, dès le début, le problème de le mot « homme » et le mot, au fond, puissant, viril, le mot viril étant le mot romain. Pourquoi il faut distinguer? Parce que, au fond, la virilité, c'est une valeur. Elle n'est pas acquise d'emblée à l'homme. Il faut que l'homme manifeste dans la culture occidentale une force, une assurance, une domination qui suppose quelque chose qui est dans un travail, quasiment. La virilité n'a pas d'équivalent féminin, et pour cause, puisque la virilité, c'est un idéal du masculin, donc c'est une représentation idéalisée de la masculinité, et qui est une norme qui est très construite, très coercitive, qui postule, dès sa construction originelle, qui date à peu près de l'Antiquité gréco-romaine, et cette norme va s'imposer comme l'idéal absolu de tout homme. D'origine qui disait que les hommes et les femmes vivaient séparés et que les hommes faisaient leurs fils et les femmes faisaient les filles, mais que les groupes vivaient séparément avec les mêmes comportements, les mêmes aptitudes. Hein, et puis que la suite, entre guillemets, d'un péché, puisque c'est pas ainsi qu'on parle dans ces sociétés, mais d'une faute originelle, d'une désobéissance à l'égard de la volonté divine, ils ont été amenés par Dieu à l'obligation de vivre ensemble et que les hommes ont été punis par la perte de leur capacité de faire leurs fils. Ça, c'est la façon, sous forme mythique, de raconter les choses. Donc, énormément de mythes qui vous expliquent qu'il fallait faire cette révolution. En clair, le mythe dirait qu'il y aurait eu un matriarcat primitif et qu'il avait fallu le changer parce que c'était pas bon pour l'humanité. Françoise Héritier, conférence CNRS 2009. Comment on est passé d'une société quasi matrilinéaire à la supériorité virile? Alors, ça, c'est une immense question sur laquelle je précise qu'on ne peut formuler que des hypothèses. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui n'est pas hypothétique, c'est que avant l'Antiquité gréco-romaine, il y a eu des sociétés, tout au long de la préhistoire, qui étaient matrilinéaires. C'est-à-dire que le nom et les biens se transmettaient par la mère. Et donc, il faut rappeler que pendant des dizaines de milliers d'années, l'humanité n'avait pas compris les mécanismes de la reproduction. L'humanité n'avait pas fait le lien entre accouplement, gestation, procréation. Donc, en fait, déjà, la sexualité était beaucoup moins normée qu'elle ne l'est aujourd'hui. En tout cas, elle était vraisemblablement beaucoup moins moralisée, puisqu'on ne la mettait pas en lien avec la perpétuation de l'espèce. Ça s'est fait sur des milliers d'années au moment du néolithique. Vraisemblablement, c'est en observant les animaux que l'humanité a compris le rôle inséminateur du sperme, le rôle fécondant du sperme, donc le rôle de l'homme dans la procréation. Et ça pourrait avoir induit un basculement anthropologique majeur, parce que tant qu'on n'a pas compris le rôle de l'homme, eh bien on considère que la femme a des pouvoirs surnaturels, qu'elle enfante toute seule. C'est la Vierge autocréatrice. D'ailleurs, c'est une image qu'on va retrouver plus tard dans cette idée de la Vierge Marie. C'est l'idée que la femme enfante toute seule. Donc, c'est la femme qui est vénérée, c'est la femme qui est divinisée. On a cette grande déesse de mère des origines pendant toute la préhistoire qui est adorée à peu près partout, avec des prêtresses qui sont femmes, et donc des femmes qui ont, suivant les sociétés évidemment, des droits beaucoup plus importants et des prérogatives, notamment par exemple en Égypte, elles avaient le droit non seulement d'étudier, mais de devenir médecin, il y avait même une femme chirurgien, etc. Et tous ces droits vont leur être violemment confisqués au moment de la naissance du patriarcat. Alors, c'est une longue histoire, la naissance du patriarcat. J'ai pas la prétention de l'épuiser ici, mais il faut la mettre en lien avec, un, la compréhension des mécanismes de la reproduction, donc de la naissance, de la paternité. On comprend que le père est vraiment père de cet enfant-là. On comprend le lien entre l'accouplement et la naissance de cet enfant. Mariette Darigrand, vous êtes sémiologue. Si on joue un peu avec les mots, si je vous dis sperme. En sanskrit, vous avez une racine qui est urja, U-R-G-J-A, qui donnera le mot orge un jour, qui est le premier nom du sperme. C'est-à-dire une vision liée à la nourriture. La semence, ce qui sort du sexe masculin, et donc c'est la nourriture première du corps féminin qui a été vue, c'est la première métaphore occidentale, comme une terre fertile, un sillon, une glèbe humide, plein de métaphores. La femme est un champ fertile sur lequel le sexe masculin vient porter sa pluie d'or, sa pluie fertilisante. C'est une image nourricière venue de très très loin, du moment où nous étions encore agro-lunaires, comme on dit, et où les hommes ne savaient pas, les hommes, l'humanité ne savait pas forcément comment on faisait des enfants. Donc un ventre s'arrondissait, un enfant arrivait, mais peut-être fallait-il remonter à un rapprochement entre une éclipse. Le soleil était venu couvrir la lune et dans l'ombre, il s'était passé des choses. Il y avait eu de la pluie, etc. On a mis longtemps à penser que c'était un coït, comme on dit, c'est-à-dire un coup, aller ensemble, l'homme et la femme vont ensemble pour que 9 mois plus tard naisse un bébé. À partir du moment où on a compris les mécanismes de la procréation, l'homme, bizarrement, au lieu de se dire, eh bien, maintenant on a compris qu'il y avait deux pôles, il va vouloir complètement tirer cette procréation à lui et, en quelque sorte, en priver la femme. C'est toute cette théorisation de l'idée que la femme est un simple vase et que tout est contenu dans le sperme. Et donc, par exemple, on va voir chez Aristote toute cette théorisation se mettre en œuvre, où il va dire qu'en fait, dans le sperme mâle, les créatures sont, qu'il appelle les homoncules, sont déjà des petits êtres préformés. La matrice féminine n'est qu'une espèce de contenant, de réceptacle dans lequel la pousse va germer, mais elle n'y est pour rien, elle ne transmet rien. Donc, un, c'est la dévalorisation de la femme, et puis deux, c'est sa domestication et son enfermement dans le rôle de la procréation, parce que très vite, l'homme va comprendre qu'il peut y en avoir qu'un à la fois, ou éventuellement deux avec des jumeaux ou trois, mais donc ce ventre des femmes, ça devient quelque chose de très précieux qu'il va falloir surveiller, contrôler et s'approprier. D'où la réclusion des femmes qui n'existait absolument pas auparavant. Alors, faut pas non plus parler de matriarcat primitif, parce que ça, c'est une idée dont on est largement revenu. Il n'y a pas de société qui soit l'équivalent symétrique du patriarcat, si vous voulez. C'est-à-dire une société où la femme aurait domestiqué l'homme, se serait approprié son corps, et puis se serait autorisée à en faire sa chose, en fait. Ce n'est pas la mère qui engendre celui qu'on nomme son enfant. Elle n'est que la nourrice du germe qu'elle a conçu. Celui qui engendre, c'est le mâle. Elle, comme une étrangère, conserve la jeune pousse quand un dieu n'y porte pas atteinte. Et je vais te donner une preuve de ce que j'avance. C'est qu'on peut devenir père sans l'aide d'une mère, témoin, la déesse ici présente, la fille de Zeus Olympien, qui n'a pas été nourrie dans les ténèbres d'un sein maternel. Et c'est pourtant un rejeton tel qu'aucune déesse n'en saurait enfanter. Échille, les Euménides. Alors, si on continue à jouer avec les mots, phallus. Le phallus, c'est le last but not least. Alors, c'est un mot absolument merveilleux, dans tous les sens du terme. C'est un mot très ancien qui remonte à ce qu'on appelle les racines indo-européennes, donc avant même le grec et le latin. On ne sait pas trop ce qui... Bon, mais c'est la racine. Ce sont des grandes racines qui sont liées au corps. Parce que comment l'homme a fait son langage, il a fait son langage en regardant son corps et en regardant le monde. Donc la lune, les étoiles, la terre et son propre corps. Donc la racine PHE, fée ou fa, elle dit une chose première, c'est s'ouvrir en grand et très lumineux. Et autrement dit, le phallus, c'est ce qui gonfle. Ça gonfle. Ça gonfle comme une phalène, comme un grand nuage, une grande image, très lumineuse, qui a beaucoup de puissance et qui se met à phari en latin, c'est-à-dire parler. C'est lumineux, c'est un souffle, ça parle. Vous voyez bien de quoi il s'agit, c'est Dieu. Dans le monde occidental et même pratiquement sous toutes les cultures, le phallus, eh ben, c'est l'image divine. Alors, comme dans toutes les cultures, les images de toute puissance sont captées par le masculin. Donc le phallus est devenu, dans l'Antiquité, le sexe masculin concrétisé par un objet. Des fasquinous, le fasquinous, ce qui nous fascine, c'était des objets qu'on portait dans des rituels, des cérémonies dédiées au dieu Dionysos, hein, qui est le dieu de théâtre, de l'ivresse, de la testostérone, de dieu explosif magnifique. Et du coup, par analogie, les hommes ont vu que ce qu'ils avaient sur le corps, quand en particulier ce phallus était en érection, comme une statue, c'est ce qu'on dit, hein, une statue, elle était érigée, et ben, ils ont dit, ben, non, c'est nous qui avons le phallus. Voilà, et ensuite, ben, voilà, la culture occidentale se construit là-dessus. Qui est très frappant quand on regarde la construction du féminin et du masculin à partir de l'Antiquité gréco-romaine, c'est qu'on va voir un véritable système idéologique se mettre en œuvre. Toutes les disciplines et tous les arguments d'autorité se sont en quelque sorte conjugués pour asseoir cette idée de la hiérarchie des sexes, cette idée, enfin, ce postulat originel de la supériorité du masculin sur le féminin. Il y a les sciences naturelles, la philosophie, la biologie, la médecine avec Aristote, et bien sûr le droit, puisque c'est dans la loi que cette infériorisation va prendre corps. Donc on voit que ce système idéologique va démarrer dans l'Antiquité gréco-romaine. Alors d'abord, les Grecs vont créer ce concept d'andreia, puisque vir, c'est un mot latin, vir, la virilité, c'est un concept qu'inventent les Romains, mais les Grecs avaient un autre mot, c'était l'andreia, et c'est cette idée que, en fait, le masculin, c'est le meilleur du matériau humain, c'est-à-dire c'est l'excellence humaine. Donc il y a chez les Grecs cette idée de la perfection du corps, grand, beau, musclé, donc avec cette importance donnée à l'exercice physique, mais aussi des composantes morales. Et ça arrive notamment sous l'influence des stoïciens, c'est-à-dire cette idée du contrôle sur soi et de la maîtrise. Donc tout le temps prouver, démontrer que cette virilité est là. Donc comme s'il fallait tout le temps la valider, l'authentifier. Je rappelle simplement que testicule, ça vient de testis, qui veut dire témoin. Donc témoigner, il faut tout le temps prouver. Donc ça prouve à quel point ça va pas de soi. Pauline Rousseau, avec votre thèse des bandades, vous avez voulu réfléchir à l'iconographie du masculin. Pourquoi ? Alors, je pense que l'idée, c'était de montrer déjà que finalement, la masculinité telle qu'on l'entend, puisque en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas une masculinité, mais des masculinités, mais la masculinité hégémonique, en fait, elle n'était justement pas un fait, mais que c'était une construction socioculturelle avec des modèles iconographiques qui se transmettent et qui en fait continuent de donner une vision de la masculinité qui va être unilatérale finalement. Donc par exemple, les modèles dans la Grèce, la perfection du corps, du dieu, du soldat, le Kouros par exemple, cette statue. Donc c'est une représentation du Kouros qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est une sculpture masculine de très grande taille, représentée donc debout, dans une position, ce qu'on appelle la position de la marche, puisque la jambe gauche est avancée par rapport à la jambe droite. L'homme est nu, avec une musculature très imposante. la stature et la posture de la tête est quand même assez fière. Et en même temps, on voit déjà, par exemple, dans le traitement de la chevelure, qu'il y a quelque chose de très soigné. Et en fait, ça, c'est des critères de beauté qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui, finalement. Hein. La musculature, l'attitude un peu dynamique... Et d'ailleurs, si on regarde le calendrier des dieux du stade, donc qui est un calendrier avec des photographies des joueurs de rugby du 15 de France, on voit que aujourd'hui encore, ces critères-là sont les mêmes. Ils sont nus, ils sont dans des positions presque toujours dynamiques, avec une musculature saillante, mais en même temps, quand même bien rasé, bien coiffé, avec quelque chose d'un peu propre. C'est exactement ce qu'on va retrouver aujourd'hui encore, quoi. Mais les parties génitales, par exemple, le sexe, c'est pas... On n'a pas là une exacerbation phallique Parce que justement, à l'époque gréco-romaine, la représentation, la virilité, elle se situe pas dans le sexe masculin. Elle se situe justement dans la musculature, dans des valeurs aussi un peu ce qu'on pourrait appeler des valeurs morales, donc être valeureux au combat, être courageux. Donc finalement, la virilité, elle va se situer plus dans des valeurs morales. Et physiquement, elle va être représentée plus par la musculature, par exemple, que par les parties génitales. Le jeune homme idéal. Les joues imberbes, la poitrine robuste, le teint vermeil, les épaules larges, le discours bref, la fesse rebondie et la verge menue. Aristophane, les nuées. Dans cette différenciation du masculin par rapport au féminin, il y a une idée fondamentale qu'on trouve notamment chez Aristote et puis qui sera prolongée après, d'une hiérarchie inscrite dans la nature, une hiérarchie biologique. Donc Aristote va nous dire qu'il y a une hiérarchie des fluides, donc le sperme est supérieur au lait maternel, et puis petit à petit va s'instaurer aussi une hiérarchie dans le sang, c'est-à-dire que dans le rapport au sang, donc la femme... perd son sang dans ses menstruations, donc elle est réputée ne pas se gouverner, elle est soumise à ses flux menstruels, elle ne maîtrise rien, elle ne sait pas quand les règles arrivent, quand elle va tomber enceinte. Bref, l'idée que la femme se subit, elle a donc naturellement vocation à subir et à se soumettre, alors que l'homme est réputé, lui, au contraire, se gouverner, maîtriser son érection, ses émissions sperminales, etc. Il se gouverne, donc il est naturellement destiné à gouverner. Et cette idée que l'homme se maîtrise, c'est ça qui fait la virilité. C'est ça, la définition même de la virilité, c'est se maîtriser. Alors évidemment, sa sexualité, mais évidemment, tout ça, c'est un énorme problème. Tout le problème sexuel vient de cette idée qu'on maîtrise et que l'impuissance et le fiasco sont des terreurs. Et il y a aussi l'idée de maîtriser ses émotions. La femme, elle maîtrise pas ses flux menstruels, mais elle maîtrise pas ses larmes. Elle est tout le temps la victime d'elle-même. À l'opposé, l'homme, lui, il dompte ses émotions. Et donc, en fait, toute la philosophie stoïcienne, qui est, bon, d'abord, évidemment, destinée aux hommes à l'époque, c'est l'idée de cette rétention émotionnelle et surtout ne pas avoir peur de la mort. Alors que la femme, justement, elle est liée au culte des défunts, elle suit les cortèges funèbres, etc. Donc elle est liée à la mort, mais d'une manière passive, alors que l'homme, lui, il verse le sang, il donne son sang, il a un sang glorieux, alors que la femme, elle a un sang impur, qu'elle perd et qu'elle ne maîtrise pas. Donc il se pourrait que cette distinction, qui est au départ une distinction naturelle, ait été transformée par l'idéologie en une construction culturelle. Mais la force de cette construction, c'est que justement, elle est tellement intériorisée qu'elle passe pour une évidence naturelle, en fait, indiscutée pendant des siècles. C'est quand même tout à fait récent, l'idée que les femmes osent dire, mais que la femme ait laissé moins de chefs-d'œuvre dans l'histoire et qu'elle ait moins rayonné, c'est pas le signe de son infériorité congénitale, c'est tout simplement le fruit d'une construction culturelle qui lui a interdit d'exploiter ses possibilités. Les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroir. Elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme deux fois plus grande que nature. Sans ce pouvoir, la terre serait probablement encore marécage et jungle. Les gloires de nos guerres seraient inconnues. Virginia Woolf, Une chambre à soi. Mariette Darigrand poursuit notre jeu. Et alors maintenant, je vous dis, éblouissant, virilité. Alors, virilité est vraiment une pépite culturelle. Alors, virilité, ça vient du mot latin vires, V-I-R-E-S, qui désigne, c'est la qualité, la virilitas, des vires. Les vires, c'est les hommes de troupe, c'est-à-dire ceux qui marchent, les fantassins. C'est pas les aristocrates de l'armée, hein, c'est pas ceux qui sont en triomphe sur leur char, c'est ceux qui partent la fleur au fusil, qui sont pleins d'allant. Ce qu'on appellera en langue saxonne les galants, hein, d'ailleurs, c'est les gaillards, c'est ceux qui sont pleins d'allant, c'est la même image. Mais cette image, elle a été captée par les hommes, mais il faut au départ, elle n'était pas sexuée. Les femmes pouvaient être viriles. L'adjectif est neutre en latin. Enfin, épicène, il s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Donc il y a sur le forum des femmes viriles. Et donc il y a une racine, veillesse, la vis, à l'origine du mot viril, et qui veut dire la force. Mais une force, ça n'est pas la force violente, c'est la force de la vie. C'est l'éros vital. Et il est tout à fait possible que cette force ait été incarnée par Vénus. Autrement dit, il y a un lien étymologique entre la vis, V-I-S, Vénus, qui était elle-même l'allégorie du verbe veneror, qui veut dire je désire, mais je désire très fortement. Pour en finir avec l'Antiquité, Pauline Rousseau, il y a aussi, face à ces modèles de puissance, le contre-modèle du satyre, une soupape, un trop-plein. Le satyre, c'est une créature qui est associée au cortège dionysiaque et qui est, pour le coup, représentée toujours en érection. Et donc, moi, j'ai pris l'exemple d'un satyre. Son pénis en érection, il fait presque la même taille que son avant-bras. Donc, il y a quelque chose de totalement exacerbé, finalement. Et c'est justement, le satyre, c'est ça. C'est la personnification d'une certaine pulsion sexuelle, ce qui a induit aussi parfois de la violence. Et je pense que c'est une représentation aussi qui est très cathartique, en fait. C'est pas du tout un modèle, si on se base sur ce terme du weir pour définir ce que c'est que la virilité à l'époque romaine, le satyre, il rentre pas du tout dans les cases. Mais après, il existe quand même. Georges Vigarello, dans cette construction de la virilité, si on passe au monde médiéval. Le monde médiéval, en particulier le monde des siècles centraux du Moyen-Âge, c'est-à-dire le 10e, 12e, 13e, ce qui me paraît caractériser, c'est quand même l'image du chevalier. Cette image du chevalier est très intéressante, parce que le chevalier, il a une double qualité, qui est à la fois celle de la force, indiscutable, frontale, massive, mais en même temps une beauté. Vous voyez, il y a au fond une forte esthétisation au Moyen-Âge de la force. Les descriptions m'ont toujours frappé, les descriptions du chevalier, une sorte de visage argenté, de visage fin, même si cela s'accommode d'une présence du galbe, d'une présence des épaules élargies, la grandeur, la massivité, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique. Mais concernant la femme, cet univers féminin, il n'est pas complètement écrasé par rapport à ce que l'on pouvait imaginer dans la période romaine. C'est en même temps une femme qui a sa place, qui a une existence, même si c'est la femme de l'intérieur, même si c'est la femme, au fond, de l'impuissance, si vous voulez. Mais elle a aussi quelque chose qui commence à appeler une forme de respect, voire toute la littérature courtoise. Elle montre précisément un chevalier qui est totalement dominant, et elle montre une femme qui est capable de désir, d'attention, d'émotion. Il y a une forme de présence de l'émotion. Elle est capable de quelque chose qui est de l'ordre d'une une fragilité, mais qui renvoie à de la richesse intérieure. De même, si je continue sur la question d'émotion et sur la question de la domination, il y a une façon de se rapprocher de Dieu, par exemple, au moment de la Renaissance, je pense à des textes magnifiques de Damien Bocquet, il y a une façon de se rapprocher de Dieu, mais qui passe par de l'émotivité, qui passe par de l'amour, qui passe par un enrichissement intérieur, une fois encore, alors que le phénomène de la domination n'a pas changé. Bonne dame, je ne vous demande que d'être accepté pour serviteur. Je vous servirai en bon seigneur, quelle que soit ma récompense. Me voici à vos ordres. Être noble et doux, gai, courtois. Vous n'êtes point un ours ni un lion. Vous ne me tuerez pas si je me rends à vous. Bernard de Vintadour, 12e siècle, troubadour au service d'Aliénor d'Aquitaine. Si on prend l'amour courtois, la fin du Moyen-Âge, la guerre, la pulsion, la violence sexuelle devient une guerre métaphorique. Autrement dit, ce qu'on a appelé le combat, le doux combat, le doux assaut, un assaut sexuel, eh bien devient une fausse violence. C'est-à-dire que l'homme reste le chevalier, qui a du courage, qui a de la virilité à revendre, qui connaît la violence, dont la pulsion peut être agressive au sens psychanalytique du terme. Il veut prendre la femme comme une ville, comme une plateforme, peut-être la mettra-t-il enceinte, mais il sait, car le code social lui dit, que pour être un vrai courtois, c'est-à-dire un homme de cour, un homme du duo, un aristocrate de la vie, eh bien, il doit réfréner ses ardeurs selon un code, ne pas faire sortir de son corps uniquement des humeurs qui soient juste organiques. Ça, ok, ça va sortir du corps, mais il y aura aussi du mot, il y aura aussi du langage. Donc la femme, à ce moment-là, est sacralisée, elle est la dame, par le vrai viril. C'est-à-dire celui qui sait codifier, mettre en culture la nature même de ses pulsions. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui est pulsionnel et qui peu à peu se civilise, entre guillemets. Je parle en termes idéologiques. Et donc, on a toujours une impression de féminisation des mœurs. Donc, il y a eu dans l'histoire plusieurs vagues de contestation de cet idéal avec intégration d'autres modèles. Par exemple, pour les moines ou pour les hommes d'église, cette idée qu'en fait la virilité ne s'affirme pas tant par l'expression de la démonstration sans cesse de la puissance phallique, mais au contraire par la capacité à domestiquer, spiritualiser ou esthétiser le désir, ce qu'on appelle la sublimation. Et donc, pendant tout le Moyen-Âge, on s'est vraiment demandé qui était le plus viril, du guerrier ou du moine. Alors là, Mariette Darigrand, nous avons le mot éjaculer. Éjaculer, c'est envoyer son javelot, c'est étymologiquement. C'est-à-dire envoyer quelque chose qui, par... analogie peut évidemment être vue comme le sexe masculin quand j'imagine la semence sort du corps avec un effet de lancement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on ne sait pas pourquoi, mais pour l'ardeur, évidemment, l'ardence, le mot devient religieux. Et alors on le trouve chez Saint-Augustin pour désigner les prières ardentes à la face de Dieu. Éjaculer à la face de Dieu, ça veut dire lancer sa foi. De manière, et on sait bien que la mystique a à voir avec l'extase sexuelle. Pauline Rousseau, là nous sommes devant une reproduction du Saint-Sébastien d'Andrea Montaigne, 1480, donc c'est la Renaissance, le moment où agonise la société féodale, où naît la société moderne. Le Saint-Sébastien, qui est un martyr, qui affronte la souffrance, c'est quand même une icône troublante de la virilité. Alors là, le Saint-Sébastien, c'est une figure iconographique qui a été très très représentée. Et là, on voit donc il est transpercé de flèches. Et pourtant, on retrouve encore ses attributs physiques qu'on a pu voir déjà chez le Kouros, donc une musculature développée. Donc là, on voit les pectoraux, les abdominaux, triceps, biceps bien fermes et tendus. Il reste digne malgré des événements très durs. Il ne perd jamais son courage. Et la virilité, ça pourrait être ça aussi. C'est-à-dire, ça pourrait être la capacité d'échapper à une situation sans issue et de rester digne malgré des événements très complexes. En l'occurrence, il se fait transpercer de flèches. Voilà, il y a une certaine droiture dans le regard, il y a un courage face à la mort. Voilà, là, en l'occurrence, il va pas perdre sa foi en Dieu, peu importe les événements. Donc si je passe maintenant à ce qu'invente la société moderne, je pense au XVIe siècle en particulier, au moment où les cours s'installent, vous voyez, la cour nationale, la cour autour du grand roi, etc. À travers le courtisanat, il y a un changement radical, qui est d'autant plus intéressant que les témoins ont le sentiment que les hommes, à travers le courtisanat, se fragilisent. Et dans une certaine mesure, s'efféminisent, pour reprendre les termes du temps. Il y a un texte totalement parlant à cette époque, qui est le texte d'Artus Thomas, qui s'intitule « L'île des hermaphrodites ». Texte de la fin du XVIe, bah, il dit, voilà, ces hommes qui portent maintenant des chemises, qui portent de la dentelle, qui recourent à des parfums, qui recourent de la poudre, qui favorisent les arts qui ne sont plus les arts du combattant, qui sont les arts de la musique, qui sont les arts de la danse, etc. Bah, ces hommes-là deviennent des femmes. Voilà ce que dit Artus Thomas. Donc, on a le sentiment que, finalement, au XVIe siècle, il se produit une sorte de recul de la virilité. Et je trouve que la question est fondamentale parce qu'elle renvoie précisément au pluriel. Parce que lorsqu'on regarde de près l'image de ces courtisans, on voit bien qu'ils n'ont en rien cédé la domination. Ils n'ont en rien cédé l'image de la puissance et je dirais, j'ajouterais l'image de la force. C'est des gens qui n'hésitent pas à passer au duel, c'est des gens qui n'hésitent pas à rentrer dans le combat, qui regardent la mort les yeux dans les yeux. Donc, de ce point de vue, l'imaginaire de la domination n'a en rien cédé. Simplement, les facettes du comportement, là encore, se sont diversifiées, se sont enrichies, se sont nuancées. Il y a une acquisition considérable qui passe par l'émotion, qui passe par des comportements physiques beaucoup plus riches, et elles font entrer des qualités qui n'étaient pas prises en compte auparavant. Je pense d'ailleurs à un texte d'Édouard, le roi anglais, qui explique à son fils le comportement qu'il doit avoir. Donc Édouard dit, vous devez être de plus en plus attentif à des pratiques qui sont celles de la délicatesse. Donc ne vous laissez pas emporter par des jeux qui sont des jeux violents, ne vous laissez pas emporter par le mépris à l'égard de vos courtisans, et en même temps, respectez aussi les autres, dont votre femme. Mais n'oubliez jamais que vous devez dominer de façon imparable le cheval et la femme. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces injonctions sont aussi paradoxales. La virilité est sans cesse travaillée de l'intérieur par des contre-modèles. À toutes les époques, les hommes ne se sont jamais unanimement reconnus dans ce modèle. Par exemple, la figure de l'honnête homme, qui émerge à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle, qui vient contredire toute cette imagerie très guerrière, très brutale de la féodalité, qui est contestée par un modèle, au contraire, qui va dire un vrai homme, c'est l'esprit de délicatesse, de subtilité, de maîtrise, encore une fois. Et ce modèle va aller très loin, puisqu'on va arriver sous les cours de la monarchie au XVIIe ou XVIIIe siècle, on va avoir une véritable féminisation du modèle. Louis XIV, par exemple, qui est un parangon de virilité, c'est le modèle absolu du guerrier et de la virilité. C'est un homme qui se pique de bijoux, de perruques, de maquillage, il est poudré et qui adore le ballet, qui montre qu'il peut y avoir une contestation du modèle d'Hercule, qui est le modèle traditionnel, par le modèle d'Apollon, qui est celui de la beauté et de la grâce. Et Hercule revient en force à la Révolution. C'est-à-dire que les révolutionnaires, les patriotes, toute cette littérature des révolutionnaires, les Camille Desmoulins, tous ceux qui vont prendre crier très fort à la tribune, vont dire les aristocrates sont des efféminés, ils sont grotesques, ils s'avilissent en courbette devant leur sultan, ils chuchotent dans les salons des femmes, ils sont maniérés. Ils ne sont plus des hommes. Sais-tu, mon enfant, quels sont les effets les plus destructifs de la Révolution ? Tu ne t'en douterais jamais. En coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Il n'y a plus de famille aujourd'hui. Il n'y a plus que des individus. Balzac, mémoire de deux jeunes mariés. Dans l'imagerie du masculin, Pauline Rousseau, Il y a aussi la figure du bourgeois. On voit qu'il y a quand même des évolutions de la virilité. Il y a des glissements, ça évolue en fonction de chaque époque. D'un point de vue iconographique, ce portrait réalisé par Ingres en 1832, tout ce qui concerne la musculature, on ne le voit pas puisqu'il y a des vêtements. Et puis c'est surtout pas comme ça qu'il est montré. C'est-à-dire qu'il n'est pas, déjà, il n'est pas debout, il est assis. Il est dans une posture, il est très très posé sur son siège. C'est-à-dire on sent une vraie pesanteur. C'est un homme qui est en plus bedonnant et bien en chair. Avec le costume du bourgeois, on imagine des étoffes assez précieuses. C'est vraiment la figure du patriarche au sens qu'on entend toujours aujourd'hui en fait. Quand on parle du patriarcat, c'est vraiment ça qu'on imagine, quoi. C'est l'homme bourgeois comme ça, chef de famille, qui a de l'argent, qui par ses positions et sa posture est dans un rapport de domination complètement, aussi bien sur les femmes mais aussi sur les autres classes sociales. Mais parler du bourgeois, ça permet aussi de parler du coup de ce qui se passe dans les autres classes sociales et donc du travailleur. Et ça correspondait aussi à une image d'une certaine virilité. Une virilité qui d'ailleurs fascine le monde bourgeois, hein. La virilité ouvrière, dire de voir les corps au travail, le bourgeois qui ne se salit jamais les mains, de voir les corps au travail, ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Il y a quelque chose quand même qui est complètement associé à ça, à la transpiration, au travail physique. Et avec cette idée que le corps comme outil de travail, le corps mis en scène, le corps montré, l'iconographie du travailleur, elle est très souvent au service d'une idéologie politique. Et visuellement, l'iconographie du travailleur, elle est vraiment très très proche de celle de l'athlète en fait. On peut dire qu'au 19e et jusqu'à la Première Guerre mondiale, on avait été biberonné à l'épopée napoléonienne, à cette culture martiale omniprésente. Même ceux qui n'étaient pas soldats vivaient au rythme du clairon, des drapeaux, des parades militaires, etc. Donc la société était extrêmement martiale en fait. Certainement la Première Guerre mondiale a porté un coup fatal à cette construction du mythe guerrier. La figure du soldat a été très démonétisée à cette époque parce qu'en fait, le soldat fier de son uniforme avec son casque rutilant qui s'avançait fièrement sur le champ de bataille en bravant les projectiles, toute cette imagerie-là a littéralement explosé avec les tranchées où en fait le soldat, c'est un pauvre type qui rampe dans la boue, qui crève de faim, de froid, de trouille avec les rats, etc. Toutes ces gueules cassées avec leurs moignons purulents va évidemment puissamment déstabiliser le mythe guerrier, le modèle du soldat invincible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que entre deux guerres, l'idéologie de la droite nationaliste va stigmatiser donc les survivants en disant finalement les vrais braves, ils sont morts au combat. Donc ceux qui sont là, les gueules cassées, ce sont des lâches, des pleutres, des homosexuels, des pédérastes, etc., comme on disait à l'époque. Et par opposition, il y a la figure du jeune fasciste qui est grand, qui est beau, qui est musclé et qui est invincible et héroïque et qui emprunte beaucoup d'ailleurs à la statuaire hellénique dans son côté musculaire. Mais cette idéologie musculaire, on la voit aussi dans l'idéologie communiste. On pourrait presque dire que ce sont des musculinismes, c'est-à-dire des idéologies de la force physique. Il y a de mauvais hommes, des faibles. Pour les fascistes, c'est le complot judéo-maçonnique. D'ailleurs, avec un lien souvent fait entre la juiverie et l'homosexualité. Pour l'idéologie communiste, c'est le bourgeois qui est efféminé et qui est faible et qui est pleutre. Alors que le vrai homme, c'est celui qui prend son marteau, sa faucille et puis qui tape. Et qui fait la guerre surtout, parce que ce sont quand même des idéologies de guerre. Le 20e, qu'est-ce qui se passe? La guerre de 14, les femmes qui travaillent de plus en plus, le travail féminin qui monte, une culture nouvelle féminine à travers la garçonne. La garçonne, c'est un phénomène fondamental. Une autre manière d'apparaître, une autre manière de se coiffer, une autre manière de s'affirmer, fumer, sortir, l'espace public. Et puis, il y a cette sorte de tension qui va grandir, parce que cette tension, elle passe par un nouveau mode d'affirmation. Et l'affirmation féminine, le métier, mais la culture, le fait d'écrire, Colette, les romans, la journaliste. Donc voilà, je crois que le 20e, il a étudié sous cette forme-là la remise en cause radicale d'une domination venant des partenaires, et en particulier du féminin. Ça donne des modes, au fond, de faire et de s'affirmer qui sont complètement nouveaux et que l'on voit magnifiquement aujourd'hui à travers la contestation du harcèlement. Les mots nouveaux, hein. Le harcèlement, c'est un mot des années 80. Elle n'existait pas auparavant. Donc, la contestation du harcèlement, la contestation de la domination sexuelle, mais aussi la contestation de la domination au niveau du travail. On n'est pas encore dans le régime de l'égalité. Mais il y a évidemment des dynamiques centrales qui se sont mises en place et qui ébranlent la domination masculine au point que l'on ne peut plus parler de virilité masculine. Ça n'a plus de sens, voyez. Alors, soit on utilise le mot viril en considérant qu'il appartient autant à la femme qu'à l'homme, soit on dit que le mot viril est devenu ridicule. Aujourd'hui, on parle de la crise de la virilité, de malaise identitaire. Quelles sont pour vous les raisons qui ont amené cette inquiétude ? D'abord, il faut peut-être dire que le malaise viril n'est pas nouveau. Quand on se plonge dans l'histoire, on se rend compte que l'idée de la crise de la virilité est aussi vieille que la virilité elle-même. Il faut sans arrêt démontrer sa puissance, sa performance, sa combativité, son goût du défi, même un certain goût pour la violence, son mépris des émotions, de la souffrance, ne pas avoir peur de la mort, etc. Donc, le côté coercitif. Il y a un côté aussi très discriminatoire, puisque, de fait, tous les hommes qui ne sont pas porteurs des canons virils, au premier chef, les efféminés, sont ostracisés, sont pas considérés comme de vrais hommes. Mais historiquement, c'est pas seulement le mépris envers les homosexuels que ça a traduit, ce culte viriliste. C'est aussi à la racine de la xénophobie, parce que c'est toujours l'idée qu'il y a des hommes qui sont meilleurs que d'autres, qui sont plus hauts, si on veut qu'il y ait des surhommes, il faut désigner des sous-hommes. Donc historiquement, c'est d'abord le barbare, et le grec est supérieur au barbare, puis c'est le colon qui est supérieur à l'indigène, et puis ensuite après, c'est le juif, l'arabe, le noir. Enfin, il y a toujours quelqu'un à inférioriser si on veut se sentir au-dessus. Maintenant, il est vrai que depuis environ un siècle, cette virilité se déconstruit petit à petit. Et là, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Le mythe guerrier qui s'est effondré, ça, je pense que c'est un élément essentiel. Mais il y a d'autres changements sociétaux, par exemple dans le monde du travail. Cette idée que la virilité ne passe plus par la démonstration de force physique, ce qui fait que le prestige viril est de moins en moins ou de plus en plus difficile à trouver par le biais du travail. Alors après, il y a d'autres facteurs, des transformations dans la paternité, avec toutes les redéfinitions que nous connaissons de famille recomposée, homoparentale, etc. Il faut reconnaître que le rôle du père se déplace. Et pour certains, c'est une destitution de son pouvoir. Et puis bien entendu, quatrième facteur, les transformations du rôle de la femme dans la société. Que dans notre société où, ne l'oublions jamais, l'égalité n'est pas complètement acquise. Mais une fois que l'on a dit ça, indiscutablement, les qualités physiques, psychologiques sont parfaitement partagées entre hommes et femmes. Donc une fois qu'on a dit tout ça, il y a ce que nous appelons, nous, des conservatoires de la virilité, où la virilité continue d'exister à partir du versant masculin, comme si elle ne pouvait pas être remise en cause. Il y a une difficulté de la part du masculin, a abandonné un pouvoir qui, pendant très longtemps, a semblé indiscutable. Enfin, c'était sans hésitation aucune. Ce qui fait que certains se raidissent sur leur position, se crispent sur leur virilisme avec excès, donc avec de plus en plus de misogynie, de sexisme, d'insultes. Tous les processus historiques s'accompagnent toujours de contre-coups. Et donc là, on le voit bien, ne serait-ce que l'élection de Donald Trump est quand même le signe qu'il y a eu un malaise de ce côté-là. Enfin, c'est la revanche du virilisme, du masculinisme et du suprématisme blanc. Ça traduit bien un mal-être profond. Donald Trump est quand même l'archétype du viriliste, c'est-à-dire l'assimilation de la puissance phallique au pouvoir politique. et au pouvoir guerrier. Et Trump, c'est quand même la caricature de ça, parce que quand même le type qui dit « quand on est célèbre, on peut se permettre « to grab them by the pussy ». Je ne vais pas le traduire, tout le monde connaît. Donc je peux les attraper par là où on sait. Donc ça prouve qu'il y a cette assimilation du pouvoir et de la puissance sexuelle. Et donc toutes les affaires récentes de Weinstein et compagnie le prouvent. Et c'est ça qu'il faut déconstruire aussi. Parce que ça, c'est aussi très anxiogène pour les hommes. Parce que c'est ce qui fait que, du coup, la panne érectile, ce qu'on appelait à l'époque le fiasco, devient une sorte de cataclysme ontologique. Parce que si un homme place le cœur de son être dans sa puissance phallique, eh bien, il se fragilise terriblement, puisque on sait bien que cette idée que l'homme se gouverne, c'est un idéal, et qu'il ne gouverne pas plus son sexe que la femme ne gouverne ses menstruations. Cette idéologie de la maîtrise, elle est très pernicieuse, parce que historiquement, elle a conduit, par exemple, à l'époque classique, à la création d'un tribunal de l'impuissance pour aller juger les impuissants. Elle a conduit au rejet et au mépris pour les eunuques. Donc, tous ceux qui ne présentaient pas les marqueurs de la toute-puissance sexuelle, eux aussi, subissaient des invectives, mais extrêmement violentes. Depuis le forum où ils se traitaient d'impuissants avec des quolibets hyper obscènes, jusqu'à Trump. Nul ne peut ignorer que les choses bougent. Nul ne peut ignorer que, par exemple, la place des femmes n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 50 ans, que des choses qui paraissaient naturelles hier ne paraissent plus naturelles aujourd'hui. Nul ne peut ignorer que la place de l'homosexualité dans notre société a bougé. Il faut se rendre compte que lorsque les débats ont commencé en 1997, à l'époque, l'idée que les couples pourraient adopter paraissait à presque tout le monde aberrante. Donc en une génération, on a vu le monde changer. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'aujourd'hui tout le monde soit favorable à l'égalité des sexes et des sexualités, mais tout le monde sait que les choses peuvent changer. Même les plus conservateurs, eh bien en fait, aujourd'hui, ils sont réactionnaires, c'est-à-dire qu'ils veulent faire marche arrière. Donc, ils savent très bien que l'ordre social, il n'est pas immuable. Même le Vatican sait très bien que le monde a changé. On peut souhaiter que ça aille plus loin, ou on peut souhaiter que ça s'arrête. Mais dans tous les cas, on sait qu'il y a du mouvement. Et je crois que là-dessus, il ne faut pas sous-estimer les effets pour tout le monde d'avoir vu le monde changer et de savoir que le monde est susceptible de changer, au lieu de croire que les choses sont éternelles, fixées une fois pour toutes dans la nature des choses. Je ne suis pas en train de dire, bien entendu, que la vie des minorités sexuelles en France ou ailleurs soit facile aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Simplement, pour prendre un exemple, les personnes qui se découvrent homosexuelles aujourd'hui ne se disent pas automatiquement, d'emblée, « je suis condamné à ne pas avoir d'enfant ». C'est un changement important dans la manière dont on se représente sa vie. Et c'est quelque chose qui s'est joué en moins d'une génération. Mais ça veut dire aussi que les garçons, les filles qui, à l'adolescence aujourd'hui, se posent des questions, n'ont pas les mêmes horizons que les garçons et les filles qui se posaient les mêmes questions il y a 20 ans. Donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que le monde bouge, non pas au sens où tout irait bien maintenant, où la violence serait finie, mais la possibilité du changement est aujourd'hui dans la tête de tout le monde. Merci à Eric Fassa, sociologue, pour cette conclusion qui ouvre sur l'espoir d'une société transformée. Merci à Mariette Darigrand, sémiologue. Merci à Olivia Gazalet, philosophe, auteur du mythe de la virilité. Pauline Rousseau, artiste photographe. Georges Vigarello, co-auteur de l'histoire de la virilité. Lecture de texte, Christophe Hardy. Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent ? Construction et déconstruction de la virilité. Juliette Boutillier, réalisation Vincent Deck. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez devenir un chevalier, bibliographie, lien, nous podcaster au champ de bataille ou nous réécouter entre filles, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les belles pages, eh bien, c'est grâce à Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et pour nous podcaster, c'est aussi sur tout un tas de plateformes. Demain, troisième étape, éduquer les fils, l'apprentissage du masculin. Et n'oubliez pas nos autres rendez-vous documentaires, Les Pieds sur Terre, Une Vie, Une Œuvre, Création en Air et Une Histoire Particulière.